بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دروس اللغة العربية. طرب يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع ثارهم واكتفى، أما بعد، دونك إن شاء الله نبدأ في تصويب التمارين. تمام، نحقق لأنه نغاس جميع ليزيكاسيز اون ايتي بيان فيه. التمرين الأول قال ما هذا، تمام، ويشير إلى شيء. ما يسمى هذا شيء؟ مفتاح. كلكم ما كتبتم مفتاح؟ تمام. لا، التمرينات مهم جدا. Ça te permet de يعني le cours يعني si jamais tu l'as bien assimilé, ça va te permettre qu'il s'en renseigne mieux dans ta lecture. Et surtout, la chose يعني c'est l'écriture. Ça te permet d'avoir une aisance dans l'écriture, tu vois. T'as plus mal à être légère. Donc c'est مهم جدا. OK, inshallah. La kajaiza. On va te donner un petit cadeau avant de partir. Donc, tamrin l'awwal, yani yaqul ma hadha wa yushir ila shay. Maza yusamma hadha shay? Miftah. Ah, miftah. Tamam? Kulukum katabtum miftah. Mim, fa, ta, alif, ha. Miftahun. Avec dhammatayn fi l'akhir. Tamam? Wa thani? Hadha kitabun. Tamam, kitabun. Tamam? زيدوا. تمام، سي كو ان كتاب؟ لان فكرت نسيت لما سيكون هذا يعني اون بال بروباجي اي سي بتيت يا دي بيرسون سي كونيس با لو فوكابولير دونك ان شاء الله ا شاك فوا ك يعني لا بيرسون الي ا في لا ترادكسيون دو سكيل الي. تمام، وبعدين هذا باب يعني ما هذا؟ ما هذا؟ هذا قلم. قلم. تمام، سوسي تاستيلو. سوسي تاستيلو. ولا الدوزيام ما هذا؟ هذا باب. سوسيت اون بورت. تمام، بعدين صح. ما هذا؟ هذا بيت. هذا بيت. نعم. كاسكو سوسي؟ سوسيت اون ميزون. تمام، ثاني ما هذا؟ لا، شكل واحد، شكل واحد. ما هذا؟ هذا كرسي. كرسي. كرسي. كيف تكتب كرسي؟ تمام. التمرين الثاني، تمام، يعني يجي هذا مفتاح. تطور هذا مفتاح وفتوى سموه كيوم تطور. نعم، هذا مفتاح. هذا مفتاح. رقم كي تون غاردي ها لا بزون. تمام، هذا شو كوا شو اسمه؟ ما معنى هذا مفتاح؟ Est-ce que c'est une clé? نعم، نعم، هذا مفتاح. هذا بيت. C'était là. Ouais, non, c'est un calme. Là. Là. فينا. Là, هذا قلم. تمام. وأنت؟ هذا مفتاح. لا، هذا قلم. تمام. هذا بيت. إيش معنى هذا بيت أولا؟ Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est une maison? Ah. Réponds. لا هذا هاي الأخير سيدي على كيس سيكري لا ما بيصير سيكري خلاص خليها كده تتيكري لا هذا بيت لا هذا مسجد نعم est-ce que ceci est une maison non ceci est un c'est une mosquée تمام هذا نجم ما معنى هذا النجم هناك ما معنى هذا نجم est-ce que c'est une étoile نعم نعم هذا نجم بالفرنسي oui ceci est une étoile تمام هذا قميص نعم هذا قميص هذا نعم هذا قميص قميص كم جدي مددوا أكثر حتى ما يعني تنقص في الأخير إذا قلت هذا قميص أبدا أن جوغ تفاجئ هذا قميص تفاجئ توجوغ مثل مد كميفو هذا قميص دي الديبو نسيتي با مد مدود هذا قميص كم أخواني كيفو لبرونجي بشكل ليا ليا تي أفون ليا الكسرة تي برونج الألف في avant lui يان فتحة تي برونج سما ميم يان فتحة تي ألف بعدها دونك تي برونج الواو كذلك إذا كان قبله اسمه ضمة تمدد الضمة تمام مدود تمام مثلا أخوك مثلا أخوك الواو الآن قبل إيش اسم الخاء والخاء في القهو الضمة أخو À ce coup, là, tu prends, je pense. Non, pour le. Tu le prends dans le tajwid. La boule. La boule. Ah ouais, damma. Ouais, c'est bon. Ou à la soukoun, c'est dans le tajwid. Tu vois. L'ila fin Quraysh. Quraysh. Pourquoi là, c'est Yanni, ils appellent ça, je crois, le mad layin, tu vois. En fait, quand la fin du mot, ou kabla l'akhir, il y a un soukoun, tu mets dit. Mais ça, c'est dans le tajwid. Sinon, pas dans tes jeux, tu dis pas à la Quraysh. Quraysh. Ça, c'est khas le tajwid. Tamam. Vas-y. L'exercice numéro 3. At-tamrin al-thalith. Kan yaqul yani iqra wa ktub. Non, je saute un truc. Ça le 3, il faut que tu reviennes. Hein le 3, il faut que tu reviennes. Iqra. Iqra wa ktub, tamam. Vas-y, iqra. Ana. Chacun fait trois une ligne. هذا مكتب. نعم. Traduit derrière, direct. Ceci est une table. Et le numéro 3. هذا مسجد. Ceci est une mosquée. نعم. هذا قلم. Ceci est un stylo. نعم. بعدك. هذا سرير. Ceci est un lit. ما هذا. ما هذا. ما هذا. Et c'est pareil, Yanni, tu dois mettre. Comment s'appelle la ponctuation non, comment tu dis ça là tu dois mettre l'intonation ah. Que la personne a elle sent à travers cela que tu es en train de poser une question moi c'est du mahada mahada yani tu t'interroges tu vois mahada hada hada hada hada hada ayo mahada mahada mahada عايز برونجي دو تو ما هذا تمام ما هذا هذا كرسي هذا كرسي اش تخرج تو انا بلاص تو با تخرج كيسكو سوسي سوسي ايت اون شيز تمام بعده هذا بيت عيد هذا بيت est-ce que ceci est une maison نعم لا هذا مسجد non ceci est une mosquée ما هذا هذا مفتاح qu'est-ce que ceci ceci est une clé نعم خلاص صح encore des exercices en dessous hein ouais quatrième à la fin exercice يعني تمرين الرابع قال اقرأ واكتب نفسه écris puis lis Vas-y, on reprend donc. Alors, chacun il fait une ligne. On a combien 10 Là, Arabia. Là, ici. Iqra wa ktub. Kul wahid yaqra 2 ou 3 kam La 3. Kul wahid yaqra 3. Le bab al-yamin. Hada qalam. Qu'est-ce que c'est c'est un stylo. Naam. Qu'est-ce que c'est C'est pareil. Hada kalb. Naam. Ceci est un chien. من هذا من هذا نعم هذا طبيب qu'est-ce que ceci qui est-il plutôt نعم من هذا qui est-il نعم c'est un toubib c'est un docteur حتى يجي طبيب سي تيزي دون فرونسي je même pas ça se trouve je trouve dans le dictionnaire voilà j'ai même pas français alors vas-y بعدك هذا جميل لا جميل شوف بقى هذا ايش هذا جمال هذا جمل هذا جمال جمل جمل يا قد مد ما في مد هذا جمل انت قلت جمل انت قلت هذا جمال يعني الجمل سكوس لابوته chose يعني là t'as mis un mètre t'as changé directement le sens tu vois هذا جمل c'est un chameau c'est un dromadaire c'est un chameau ah ouais là tu je sais pas chameau ah chameau chameau pardon هذا لا non هذا هذا هذا هذا كلب كل كلب لا هذا قط بعدين هذا لا لا تما مد دون الهاء دون الاء هذا لا صمد هذا هذا هذا ديك لا ديك ديك يبقى شده هذا ديك هذا ديك عبد هذا ديك هذا ديك ديك ديك ديك ديك انت من مد انت مد ديك هذا ديك هذا ديك هذا ديك ديك ديك ديك ها مد ديك حتى تدي يعني دي هذا ديك هذا هذا هذا ديك طيب نعم C'est combien t'as dit c'est un coq ah. Non, oui. Ahada hisanun la hada himarun. Tamam. Est-ce que ceci est un cheval Non, ceci est un âne. Non. Ma hada. La. Non, ahada. Hein Hada. Non. Ahada. هذا منديل سوسي هذا سوسي تمشوخ أهذا ولد نعم نعم سوسي تنفون وي هذي فينيلا من هذا هذا رجل كيتي تمام دوك سا سيتي بار رابور اوز اكزارسيس واما نعم بالنسبة نعم تمرين طيب طيب تمرين طيب تمام الآن الأسبوع الماضي أو يعني داني جو أنا وخياش لكورة لفي استغلاتيفة هذا دونك أنا بيو واخ هذا يعني إلي مركب باثنين ها إذا إيش معنى الها كيف سيكون معناها الها دون هذا حرف تنبيه تمام والذا هذا حرف إشارة لا لا والذا هذا حرف كذلك لا حرف اسم حرف سان اسم لذا تطلق سان اسم الها حرف تنبيه خلاص والذا سهفا حرف سان اسم أيوة اسمه التي يعني اسمه الأشياء التي به بها تشير إلى شيء تمام ça s'appelle c'est des asma c'est pas des حروف asma إشارة تمام donc ça c'est un اسم تمام اسم إشارة اسم إشارة و بس بس لا تعريف الذا تعريف سكوس تعريف هو ما دل على لا لا لا تعريف ذا إشارة Attention, moi je prends pas dans l'ordre. Ismu ishara lil mufrad mufrad mudhakkar mufrad mudhakkari lil qarib lil qarib wa istakhdam li ash. Moi je vous ai donné le cours, tu vois. Après le truc c'est que toi faut pas que ce soit un ordinateur. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne. Faut que tu comprennes, Yanni, ce que tu as écrit. C'est-à-dire, sans que, forcément, on vient dans le tarjib que j'ai ramené. Tu vois? Là, je vous ai ramené Ismu Ishara. Vous avez dit quoi? Istakhdam li hada, wa kad istakhdam li hada, wa kad istakhdam li hada. Yanni, je veux un résumé total de ça. Kulna Ismu Ishara, lil mufrad, mudhakkar, al qarib, lil alim, wa li ghayr al alim. هذا بعدين. هذا الإشارة. تبغون خصوصا ده بعد بس كذلك. لكن أولا اسم إشارة للمفرد القريب الشخص المذكر القريب العالم يعني للعالم قد استخدم للعالم ولغير العالم وكذلك. يعني حسية. كذلك يعني لما يشار إليه قد تكون إيش الإشارة حسية أو إيش معنوية. تمام. C'est quoi le معنى حسية؟ C'est quoi le معنى معنوية؟ C'est abstrait et concret. تمام. يعني معنى ذلك يعني الحسي يعني شيء يرى. تمام. وتشير باليد أو بالقلم أو بأي شيء يعني شيء يرى. أما المعنوي يعني في الأذهان. يعني c'est une chose qui est pas abstraite ou العكس qui est pas concrète. يعني qui est abstraite qu'on voit pas. لكن قد تشير لي مثلا تقول هذا فكر جيد. لمن قال أنا أذهب يعني مثلا ندرس عند فلان يقول نعم هذا فكر هذا هل يشير إلى شيء نرى لا هذا فكر جيد يعني la chose que tu m'as dit c'est يعني un bon conseil ou c'est une bonne idée. Quand tu juste quand tu dis لعالم وغير عالم c'est où qu'on a on peut marquer ça non semble pas ah شوفي على خصوصا بينما فقط للعالم وغير العالم لا اسمع أنت تقول هذا الشخصين شو أنت ما يمسين ستيبوي تسويكي لها أنت ما الشخصين هذا يعني سواء نرجع إليه لكن الآن لما تستخدم يعني هذا مش خوش أفي سبيكي دون كور سان ميم سي أون أفي با نوتي استاذ جدي هذا يعني قد مثلا تشير إلى البيت تقول هذا بيت تمام وتقول غير العالم أما قد مش خويا والله عالم جافي سبيكي اوسي لورسكو تو مونتر الميزون مثلا تقول هذا بيت قد استخدم لكذا ها واش ها ها مسجل وتقول مثلا هذا رجل هذا طالب تمام يعني شيء حسي وحسي وشيء معنوي تمام وقلنا الهاء الهاء يعني قد استخدم يعني لمعنيين الهاء حرف التنبيه لان الحرف هنا هاء لكي تنبه الشخص الذي أنت تشير إليه تمام ذلك الشيء قد تنبه يعني لغرضين يعني pour deux choses tu peux lui utiliser لها ou bien attirer sa son attention إذا كان إيش on avait dit on rappelait إذا كان غافلا غافلا مثلا الآن تشير إلى شيء تريد أن تشير إلى شيء وهو غافل عنه تقول هذا حتى هو يعني ينتبه ويلتفت إلى الشيء الذي أنت تشير إليه تمام أو يعني دجما يعني هو منتبه لكن تريد يعني أن يكون يعني انتباهه يعني أشد تمام منتبه لكن تريد أن يكون يعني يركز يعني أكثر هذا قلم تمام هذا قلم تريد أن تؤكد ذلك التنبيه تمام خصتو ها تسمعني في تمام تمام هو صح لأ يعني هذا لما تقول هذا يعني ايش تعرف الان هنا حرف استفهام استفهام استفهام بعد كل همزه الاستفهام ايوه همزه الاستفهام وحرف استفهام الاثنين تمام تام واستخدم يعني يدخل في الجمله الاسميه و انا بدي صح لا ما بدي الا حتى تبعهم الحديث pour l'aïa. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour quelqu'un de rappelé ou pas? Tu as ramené le hadith. A quand elle t'a où? Non, tu veux dire. Pour expliquer le truc. Mais toi, tu as ramené un autre hadith, tu as dit. Ma anta. Le ma kulta al aya. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله تذكر أنا بجيل الآ هنا قد يدخل في الجملة الإسمية والجملة الفعلية أنا بجي مش كنت عامل الآية أنا بجي صح مثلا قد يقول هذا دخل في إيش جملة إسمية لأنه بدأ بهذا وقد يدخل يبقى ندخل في فخاز فيربال ونومينال تدخل مثلا في الفيربال أنا بجي كوا أتقتلون رجلا مثلا في الآية أن يكون ربي الله وفي الحديث قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله الآية هنا دخل عاش في جملة يعني فعلية لأن قتلت سان فعل تمام أهذا سيانو دونك سا بو رونتري سي با يعني مثلا سبيسيفيك أو فراز نومينال يعني سبيسيفيك أو فراز فيربال تبا كومبري lorsque tu dis الحرف الاستفهام tu peux le faire rentrer, tu peux l'utiliser pour une phrase verbale ou une phrase nominale. Ce qu'on va voir, tu as des huruf, c'est juste, il y en a pourquoi ? Pour le verbal et d'autres qui sont pour le nominal. Tandis que le A, il y en a mouchtarek. Il rentre dans les phrases nominales comme il rentre dans les phrases verbales. Ahada rajulun, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah, comme il fait hadith Usama. Ça veut dire que ça rentre dans ça et dans cela. On a dit donc harf, istifham, tamam, ma. Lorsque tu dis مثلا à une personne ma hada ismu istifham tamam hada harf wa dha ish ism ma hada al ma on a dit harf istifham les shakhsin li ghayri aqil li ghayri aqil alim انتبه لان عاقل الان voilà ça veut dire que si tu dis عاقل on peut comprendre par là que يعني يجوز ان يصف الله سبحانه وتعالى بالعقل وما جاء الحديث في ذلك تمام donc يعني اسم استفهام لغير العالم mais comme on a pu voir il y a un khilaf certains disent que il peut être utilisé pour ايش للعالم tu peux utiliser pour l'alim c'est quoi le dalil ابن عباس عبسه فلما سال النبي صلى الله عليه وسلم من انت ما انت يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ما انت لا با دي من انت مع النبي صلى الله عليه وسلم عالم تمام لكن لا با دي من انت باسكو من كما نعرفوا ان شاء الله من سي بور العالم فسي tu peux pas utiliser يعني من pour une chose qui est pas عالم مثلا tu vois la photo tu dis man hada لا tu peux pas dire man hada pour une chose qui est un objet تمام اما une chose qui est عالم tu dis من هذا ساسي متفق عليه اما ما يعني خلاف يعني يجيز كو مثلا tu peux dire ça c'est clair net pour un objet tu peux dire ما هذا ايش عماد ils disent aussi tu peux utiliser pour quelque chose يعني كعالم pour un homme ما هذا comme في الحديث ما انت il a pas dit من انت il a dit ما انت يعني يجيز que ce hadith là il prouve que tu peux utiliser ما للعالم ولغير العالم et comme on a pu voir Nawawi il voit qu'en vérité, Ramul ibn Abbas, lorsqu'il a dit ma anta, il n'a pas demandé yani, sur le prophète, mais sur les caractéristiques du prophète. Yani, c'est, lorsqu'il dit ma anta, il dit ma sifat, yani al-nubuwa. Voilà. Il a khilaf, il a dit yadhar, c'est que tu peux l'utiliser. Il n'a pas dit à Muhammad. Lorsque tu demandes la personne, c'est sifat. C'est la azhar, c'est que, Wallah alam, d'apparence, c'est que tu peux utiliser ma. Pour quelque chose, il y en a pour un objet et pour autre. C'est ham. Amma man, c'est spécial pour quoi ? L'alim. Tu peux utiliser man pour un objet ou chose qui n'est pas alim. Tamam ? Comme on avait dit, ça va venir. On avait dit, min al-fawariq, entre le ma, les deux, c'est pour l'istifham. Tamam ? Lakin, al-a, al-harf, hada al-hamza, wal-ma, ils se différencient. Comme on avait dit. مثلا لما تقول ما هذا ايش تريد من لما تقول ما هذا لما تقول ما ايش تريد يعني تريد حقيقه الشيء الذي تسال عنه تمام حتى تعطي شيء ما تعرفه تمام ما تعرفه تقول ما هذا lorsque tu utilises ma c'est pour savoir qu'est-ce que c'est quelque chose là que j'ignore là je suis en train d'ignorer une chose je demande je veux savoir qu'est-ce que c'est donc j'utilise quoi j'utilise ma ما هذا أو بيمن سلام سي كوا عالم من هذا ما تعرفه من هذا أما الآ هذا تشوف شو نفهم c'est pour ايش نعم information ou bien pour ايش عين désigner une chose dans laquelle il y a une probabilité ou bien t'as un chèque ça c'est quand c'est A مثلا cette personne je dis هذا فريض أو محمد يعني je sais que c'est entre lui et lui Donc j'ai un petit chèque, j'ai une science, mais je suis pas sûr. Amadak, tu dis ma hada, il connaît pas. Tu peux pas dire ma, mesalan, hada, barakallahu fikum, hada, farid, alors tu connais pas. Tu le connais pas. Si tu le connais pas, tu peux pas demander une chose, il y en a hada. Non, tu dis ma hada, tu connais pas. Tamam? On avait dit aussi qu'à les cas, parmi les différences, c'est que lorsque tu utilises ma, tu dois répondre d'une manière. Lorsque tu utilises A, tu dois répondre d'une autre manière. Maintenant, si je dis Ma hada, est-ce que je peux dire Naam hada qalamun ou Naam? Non. Le jawab fi A. Pourquoi? Parce que tu veux un ta'in. Tu veux qu'il désigne cette chose-là. Donc, s'il veut te la désigner, c'est soit il t'affirme ce que tu pensais, ou soit il fait la négation et il rectifie. La hada, kada wa kada. Tamam? Donc, on avait dit, ça c'est les deux, il y en a fawarik, les deux différences qu'entre wesh, harf. يعني همزة الاستفهام وما ومن الاستفهاميتين الاستفهاميين تمام الماء يعني يستخدم لمعرفة حقيقة الشيء تجهله يعني la chose tu veux tu veux connaître la véritable identité de cette chose là que tu ignores et A c'est pour désigner une chose dont il y a une probabilité ou tu as un doute تمام lorsque tu as une lorsqu'il y a un doute une probabilité on répond de manière نعم أم لا هذا رجل لا هذا طفل تمام Amma ma, tu réponds par la chose dont il ignore. Ma hada, hada jidar. Tu peux pas dire, la personne dit ma hada, t'as dit naam, hada jidar. La réponse, elle est pas correcte. C'était tout, hein? Ouais. Inch'Allah, on entre dans le dars le jadid. Et c'est, yani, sahl. Inch'Allah. On a fait ma nom, il l'a halé. Lakin, faqat. T'as? C'est pas alim. Et comprenez dans le sens ils veulent dire par là, ce qu'ils veulent dire c'est raqil. Lakin, lorsque raqil, ça peut rentrer, tu peux utiliser pour Allah azawajal, men plutôt. On peut pas dire les raqil, mathalan men. Parce que ça. Qu'est-ce que tu utilises alors? Tu utilises men. Tu vois un chien, tu sais pas ce que c'est un chien. Tu vois, ou maintenant t'as un doute, c'est un renard ou c'est un chien, tu vois, ouais. Tu sais pas. Ah, t'as quel bon, tu vois, il va te répondre en fait. Comment on dit une maison? Vite fait. Comment on dit une mosquée? Comment on dit une porte? Comment on dit un livre? Comment on dit un stylo? Comment on dit une clé? Comment on dit un bureau? Là, wahad wahad, tamam. Comment on dit un lit? Comment? Hein? Comme, un lit, j'ai pas dit le lit, hein, attention. Je dis pas as-sarir. Un lit. Si tu dis as-sarir, le lit. Ouais. Comment tu dis une chaise? Le coursi. Comment tu dis une étoile? Comment tu dis une chemise? Comment tu dis un kamis? Comment tu dis un docteur? Hein? Kif? C'est pas tabiboun ou tabiboun? Comment tu dis un garçon? Un garçon. Ah, ouais. Comment tu dis un étudiant? Taliboun. Hein? Taliboun. Hein? Taliboun. Taliboun. Hein? Comment tu dis un homme? Rajoun. Comment tu dis un commerçant? Allo, le cabillaud, il faut le connaître, hein? Attention. Non, non, mais c'est le. On n'a pas ça. Ouais. Tajir. Tajir. Tajir. Tajir. Comment tu dis un chien? Fakir. Hein? Kalboun. K ou qui? Kalboun. Kalboun. Comment tu dis un chat? Comment tu dis un âne? Himar. Comment tu dis un cheval? Hisan. Comment tu dis un chameau? Chameau. Hein? Comment tu dis un chameau? جميل هذا لبو ها اي تكلم جمل جمل تشيو متاكد متاكد متاكد سي كو تو بروفيسور مام كومو تيام بروفيسور مدرس ها مدرس تمام كومو تيام مشوار الدرس الثاني ان شاء الله ما زلنا في اي اسم الاشاره ايوه تمام لا سانو جور كون افوار اني نوع ثاني من الاسماء الاشاره وهو ذلك وهو ذلك لو بروميس تي هذا والان ذلك ذلك فضل الله فيما يشاء والله من فضلك بسم الله الدرس الثاني سيسير ذلك تمام ذلك ايوه صح سي كو اسم الاشاره نعم جو دير اون سونس سي كو لا ديفينيسيون ما تعريف اسم الاشاره ما دل على على شيء ها تريد تعريف حقيقه الله هو متعين متعين متعين متعين اشاره الاشاره من دل على متعين بواسطه اشاره C'est le, ce qui indique une chose bien désignée par l'intermédiaire, par des mentions d'un ishara. Le geste ou bien. Madalla ala muta'ayyan. Tabam. Biwa sitati ishara. Donc, hada, min zalika plutôt, min asma al ishara. Donc, on n'a pas besoin de revenir sur le ta'arif de asma ishara. Vous l'avez déjà vu. Taqul zalika. تمام ذلك من ال... من اسماء من اسماء الاشاره من اسماء الاشاره تمام ذلك il fait partie d'asma ishara les pronoms démonstratifs وأسماء إشارة تعرفه معروف. On a vu, on a pu le voir. C'est quoi la définition des pronoms démonstratifs? Elle est de manière générale. Parce qu'on va voir, il y en a plein. Il y a ذلِكَ, il y a تِلْكَ, il y a إِلَى آخِرِهِ. Tout ça font partie de quoi? Pronoms démonstratifs. C'est quoi la définition pronoms démonstratifs? Comme on a pu voir. مَنْ دَلَّ عَلَى مُتَعَيِّنْ بِوَاسِطَةِ إِشَارَةٍ. Deux phrases. Enfin, deux éléments. مَنْ دَلَّ عَلَى مُتَعَيِّنْ, ce qui indique une chose bien précise, désignée. Par l'intermédiaire du mouvement ou bien d'un geste. Hada beitun. Hada kada. Hada rajoun. Tu chien les gens. Ligne asma les chars. Ça va? Wahua. Warakabun. Yani wahua. Wahua c'est quoi? C'est dalika. Ça va? Warakabun. وهو مركب بثلاث كلمات بثلاث كلمات تمام وهو مركب بثلاث كلمات donc ذلك il est composé de trois mots من اسماء إشارة وهو مركب بثلاث كلمات وهو مركب بثلاث كلمات il est composé de trois mots الأول الأول ذا ذا on a pu le voir on a pu voir ce que qu'est-ce que c'était ذا صح الثاني لام البعد والثالث البعد البعد لام البعد لام البعد لام de distance ou d'éloignement, je sais pas. Le lam qui est utilisé pour une chose qui est distante. Là, là, là, lam. Parce que ça, c'est un lam. Ah, ce lam, lam ou le bord. Ou ça, là, ça Kaf. Al-Khitab. ذلك من أسماء الإشارة تمام واسم اسم إشارة ما دل على متعين بواسطة الإشارة قلنا وهو مركب بثلاث كلمات بخلاف هذا مركب بكلمتين ها وذا أما ذاك كلمة ثلاثة كلمات ذا اسم إشارة كما نقول ولم البعد تمام والكاف كاف الخطاب للمفرد المذكر لما تقول ذلك تخاطب شخص واحد وهو ايش وهو اسمه مذكر سي مذكر مذكر سي مسكولا يعني tu singulier masculin tu es en train de parler à une personne la personne à qui tu veux montrer cette chose là c'est quoi c'est un homme il est tout seul ou vient du sexe du sexe c'est masculin et il est tout seul le mufrad singulier le mufrad le mufrad le mufrad le mufrad le mufrad le mufrad le mufrad le mufrad le mufrad le mufrad le mufrad ليكا خلاص لكن لما هم يكتبون ما يكتبون هكذا ذلك تمام هم يحذفون ايش تلك الالف يعني اين ذهبت قالوا حذفت حذفت الالف لما دخل عليه لم البعد دونك سي كو السبب سي كو لا كوز كو الالف على ايتي انري سي كو يعني سي ديو لا كوز دو كو دو لام لوسك لام الى رونتري دون ذا الألف هذه بختي، لكن حذفت يعني إيش رسمًا لا لفظًا. قد يقول ذاك. أساس سببنا، تمام؟ حذفت رسمًا لا لفظًا. الألف dans ذا، elle a été supprimée à l'écrit mais pas à l'oral. Tu vois؟ رسمًا إيش معنى ذلك؟ à l'écrit. ولفظًا oralement. يعني حذفت رسمًا tu dis pas tu l'écris pas mais tu la prononces la cause tu dis c'est le lam à l'écrit لأن قالوا دخل لما دخل عليها اللام البعد حذفت ça c'est un ta'lil c'est un justificatif qu'ils ont expliqué لماذا والله أعلم قالوا هكذا تمام قالوا هكذا non pas il y a d'autres exceptions pour d'autres causes لكن هذا وذلك لماذا حذفت الألف هنا تمام لماذا حذفت حذفت لما دخلت على ايش اللام لام البعد هذا يبدل ذلك ذلك ذلك تمام فهمتم هذا هذا والله اعلم هي منطقه تذكير تخفيفا في الكتابه ومدر والله اعلم العله الله اعلم تمام فاكتب هذا حذفت اللام وحذفت حذفت الألف من ذا رسما لا لفظا بسبب دخول لام البعد عليها حذفت الألف من ذا رسما التي سبخمي الكري لا لفظا نو إنو غالمان بسبب دخول اللام البعد عليها par la cause du lam lam البعد lorsqu'il est rentré ça supprime l'alif تمام فصار يعني ensuite c'est devenu يعني ذلك فصار ذلك كتابة يعني على الكريس يدوني كم صح سجر صنع الالف فصار يعني سيدوني يعني ذلك سجر كم سوسي يعني كتابة يعني على الكريس يدوني après que l'alif a été supprimé comme de ذا comment elle est devenue ذلك à l'écrit هكذا وبعدهم يعني ils mettent un petit mat comme ça pour vous dire que pour ceux les débutants Yannick a un mode à faire qui était à bâton Yannick à l'écrit ou là Yannick t'as tout bras vers l'écrit bidon ça va l'âme ou le bord ça va ma'rouf l'âme ou le bord c'est pour la distance ça va waqila annaha ليست للبعد لكن للتأكيد التنبيه اللام في ذلك لام البعد تمام وقيل أنها ليست للبعد يعني لا تدل على البعد لكنها لتأكيد التنبيه اوكي يجي le lam qui est dans dhalika ils disent les gars ashab al-nahw al-nuha lam fi dhalika lil bu'd c'est dirigé pour la distance yani ايش معنى ذلك اذا اردت انك تشير الى شيء بعيد لا تقول هذا لان هذا ايش للقريب اما اذا بعد c'est la chose que tu veux désigner aller loin aller lointaine tu dois utiliser dhalika dhalika yani pour si la personne elle est يعني المخاطب اللي توصل اكسي دي جون ماكس ماسكولين دي با هذا نشوف كي يعني بعيد والبعد يعني معروف لا ديستانس افضل من كما نجي دي سير دي متر دو يعني اسكي معروف يعني اسكي كوتومي شي لي جون بور دير كو سي لوين تو يوتيليز ذلك اسكي كوتومي بور دير كو سي بروش تو يوتيليز هذا بس تمام يا با تكلف في ذلك قيل انها ليست للبعد ابروفون اون سونس يعني لا ديستانس Quand tu dis Zalika, tu n'es pas en train de montrer une chose qui est lointaine ou pas. Ils disent Maesh, les ta'kid et tanbih. Kamal ha, il a dakhala ala za, les tanbih. Kalu ha daesh, ziyada ala tanbih. Lorsque tu veux appuyer ou tirer vraiment l'attention de quelqu'un, ils disent tu dis pas hala, tu dis Zalika. Ils disent c'est quoi la ma'na Zalika handahum? Yani en gros là, tu veux que la personne qui est en train de faire le discours, yani yatanabba, Zalika shay. Il a dit ça, il a dit ça. Lakin al-ma'ruf, c'est l'il-bu'd. Al-ma'ruf, l'il-bu'd. C'est-à-dire, lorsque tu veux utiliser ou bien montrer une chose qui est lointaine, tu dis zalika. Ça, c'est juste histoire que vous sachiez qu'il y a un khilaf par rapport à ça. Donc, si jamais un jour, maintenant, quelqu'un va dire zalika, il est taqid et tombé, t'as quoi ? Qu'est-ce qu'il m'a dit, Abdallah ? Ah, sans dire Abdallah. Dit des choses, c'est pas ça. Là. Quand il y a qu'un hada ou quand il y a qu'un hada. Dans les cas, c'est pour ça que j'ai évoqué dans quoi ? Dans ma hada. Ou quand il a dit ma anta. Anil ma, ça peut utiliser les halem ou les ghayr halem. Hatta tu sais. Ça va ? Hatta tu sais. Dans les cas, on a. Lakin, Allah alam, alladhi yadhhar an al-lam huna lil-bu'd. Hatta, qu'est-ce qu'il s'appelle ? Ma yakun al-lam ta'kid. Ça va ? Ils disent pas al-lam, huna al-lam ta'kid et tanbih. Là. Yakun lam al-bu'd. Thumma yakunun al-ta'kid et tanbih. Yani, kif ? Pour la distance, pour ajouter de l'attention à ce que tu veux. Non. La mulbad. Le maharouf, c'est quoi ? La mulbad. Mais c'est le mulbad, yani. Tantabihon, ça va ? Ou le kaf ? Kaf ou le khitab ? Lakin, l'iman, le khitab, c'est pour qui le khitab, huna ? Les mudakkar, ou les mufrad et le mudakkar. C'est pour singulier du genre masculin. Si jamais maintenant tu dis zalika, مثلاً, tu dis bonjour, zalika le masjid, est en train de parler à qui ? À ta fille. C'est khata. Lughatan, ou un effusement fait l'ora, c'est une khata. Tu dis zalika, tu es en train de montrer une chose qui est lointaine, et tu parles à une fille. Si tu utilises ça, tu dis zaliki. Ah ouais. Tu peux pas dire zalika. S'ils sont deux, tu peux pas dire zalika. Tu dis zalikuma. Maintenant, zalikuma le masjid. S'ils sont deux. S'ils sont plusieurs, zalikum. Si c'est des femmes, zalikun. T'as vu ? S'ils sont plusieurs, je veux dire c'est des femmes. Tu vois ? Et là, khiri. T'as vu ? C'est-à-dire, al-khitab, il faut que tu fasses bien attention. Il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a ils croient que tu es en train de démontrer plusieurs choses. Non, tu es en train de démontrer une chose, mais à plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Maintenant, tu dis Zalikum. Zalikum. Ouais, non. Allez, ça se décale auquel on ça. L'homme n'est pas semblable à la femme. Ça va? Zalika, quand tu utilises ça, tu montres une chose et tu es en train de parler à une personne du genre masculin. Masculin. Il est tout seul. Une personne du genre masculin. Donc, il t'a vu là. Zalika, tu parles à ta femme. Là, hapa. Idalik, ça qui ne t'aslim que même un problème. Mais ce qu'on, et tu seras épargné. Hein? Je ne sais pas, ça se finit par un kasara fatha dhamma, min sukun, wa tastarih. Mais ce n'est pas le but, tu vois. Nous, Inch'Allah, nahou, c'est qu'on connaisse la fin. C'est comme il y a une histoire comme ça. C'était une personne, il était fort dans la grammaire. Il avait un ami à lui aussi, il était fort dans la grammaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se voyait, Yanni, il laissait rien. La petite kasara qui n'est pas mise à sa place, direct. Mais entre eux, ça avait la base, parce que c'était des nohas, tu vois, c'était des grammairiens, donc la base. Mais eux, ils laissaient personne. C'est-à-dire que lorsque son ami venait à la maison, il entendait la famille ou les enfants parler mal, toujours il. Ouais, l'incar, il rectifiait à chaque fois, tu vois. Et ils en avaient, c'était lourd pour eux, tu vois. Parce qu'ils sont, eux, c'est, tu vois, au niveau de la grammaire, il faut faire attention, c'était lourd pour eux. Un jour, il est venu à la porte, il a frappé. Il a dit, il a dit, la, li, lou. En gros, là, je ne pourrais pas me tromper. Non, bon, c'est là, tu vois. Mais tellement il fait des inkar alayhi, tu vois, il sait même plus comment parler. Il a dit la, li, lou. En gros, il voulait dire mon père, il est pas là, tu vois, la. Mais comme l'autre, le grand grammairien, il dit peut-être une faute. La, donc il a dit la, li, lou. En gros. Tu vois, al-kaf, on a dit les khitab. Tu vois, kaf, le khitab, mudakkar, al-mufrad. Singulier, masculin. Tu montres une chose à une personne. Tu vois, amma zalikum, c'est une chose. Hein? De quoi? Walkaf, kaful khitab, lil mudakkar, al mufrad, ou le mufrad du mudakkar. Kaful khitab, lil mudakkar, al mufrad, ou le mufrad du mudakkar. Ça c'est. On a pris la définition de Zalika, yani juz'an fa juz'an, yani partie par partie, composant par composant, élément par élément. Maintenant on va prendre yani la définition de Zalika bil jumla, yani l'ensemble de ces trois choses là, de ces trois mots là, c'est quoi sa définition? On l'a pris yani bitafsil, par détail, on a détaillé yani Zalika al-an, on va prendre la définition de Zalika au mot yani, avec les trois éléments. Bon. Tu fais comme ça, tu dis fa'idan. Il y a khulasa. Ah. Dhalika. Fa'idan dhalika min haythu al-jumla. Donc c'est un pronom démonstratif. Singulier, masculin, pour le lointain, il a qu'un al-mukhatab, à partir du moment que la personne à qui tu démontres la chose, il est seul, à une mukhatab al-mukhatab. Singulier, masculin. Hein? Singulier, masculin. Ça? Ouais, ça va. C'est simple. Et là, pour votre truc, tu dis zaliki pour une fille? Zaliki. Et Zé et pour une fille, c'est quoi? Zalikoma. Que ce soit deux filles, que ce soit deux femmes, deux hommes ou une homme et une femme. Une homme et une femme. Que ce soit deux hommes. Tu fais pour les deux. Ouais. Que ce soit un homme et une femme, un homme et une femme, deux hommes ou deux femmes. Zalikona, je crois. Zalikona. Zalikona. Plusieurs. Ouais. Zalikoma. ذلكما ذلك الناس أنا قالت فذلكن الذي لمتنني فيه دعنا نخم طالعك أمو يوسف عليه الصلاة والسلام يا نخم طالع يعني سين فم كم نخم طالع بيجا فم ذلكن الذي بيجا كنا ذلك ذلك فذلك كنا الذي لمتنني فيه ها بقي الشيء avant de finir c'est bon tu passes il manque une chose Yann qui est vraiment importante à savoir c'est que ani zalika n'am la yajuz ityan al lam idha dakhala hadha illa bi tanakkuf مثلا tu peux pas pour démontrer une chose qui est lointaine tu peux pas dire zali tu peux pas dire zali la personne peut dire pourquoi on ramène le kaf on a pas ramené le kaf dans hadha pourquoi on ramène dans là c'est une qa'ida qui est comme ça si jamais tu ramènes l'am al bu'd avec le ism ishara tu peux ramener le kaf tu peux pas dire zali c'est ça pas tamam donc rajoute ça la yajuz ityan al-lam fi dhalika illa ma'a ityan al-kaf tu peux pas ramener l'âme si jamais tu veux utiliser Zalika sans que tu puisses ramener le kaf. T'es obligé de ramener le kaf. Là, les deux sont ensemble. Ils sont assez propres. Amma Etian Al-Kaf Bidouni اللام فأمر وودنا un petit peu de vocabulaire مستصرة فتقول ذاك أما إتيان الكافي بدون اللام فأمر مستصار أما إتيان الكاف بدون اللام فأمر مستصار فتقول ذاك si tu veux ramener le kaf sans lam tu peux à l'inverse tu peux pas si tu veux dire ذلك sans ramener le lam je veux dire sans ramener le kaf tu peux pas tu peux pas dire ذلك tu es obligé de ramener le kaf si tu ramènes le lam حيثما أتيت باللام لابد من الكاف si tu ramènes le lam tu es obligé de ramener le kaf mais l'axe, il n'est pas obligé. Si jamais tu ramènes le kef, tu n'es pas obligé de ramener l'âme. Tu peux dire dhaka. Tu peux dire dhaka. Tu peux dire dhalika, tu peux dire kadhalika. Dhaka. Ou dhaka, comme on va le voir, inshallah, c'est pour les longs temps. Al-Martaba, al-Mustaya. C'est ni loin, ni proche, entre les deux. Je regarde. Dans la grille. Elle est venue, il a dit Ourid Halib, Ourid Shai, Bidoun Halib. Il a voulu parler Fosha. Il est en Algérie. Toi, en Algérien, il voulait parler Fosha en Algérie. Il a dit Ourid Shai, Bidoun Halib. Il a dit Bidoun Halib. Il a ramené un Shai, il a dit Hada Bidoun. Bidoun Allah ouais. Ustaz. C'est dit, ah ouais, tu m'as déjà envie comme Bidoun Halib. Ah. Allah Ustaz. Amma Ityan al-Kaf, Bidoun al-Lam. Tamam. Fait Amr Mustasar, mais c'est possible. Fait Amr Ndiaizou, tu peux. Et il t'appelle fait Zaka. Amr dans le Coran, c'est pas bien. Zaka, il est pas bien dans le Coran. Zalika, Hada. Tamam. Amazak, yani pour l'Ustah, yani c'est-à-dire, ni tu démontres une chose qui est lointaine, ni une chose qui est proche, ça c'est pas venu dans le kitab. On l'a pas vu, mais dans la sunna c'est venu. Yani, dhalika, alladhi qal, hamdi zaynun, wa dhammi shaynun, fa qala nabi sallallahu alayhi wa sallam, dhaka Allah. Il dit en gros, lorsque je loue une personne, il est honoré. Et toute personne qui se critique, il est blâmé. Tu vois, en gros, il veut dire, mon djar, mon da'adil, à n'importe quelle personne. يعني جبير سكي القائل إن شاء الله سأسترع هذا لكن هذا حديث كبير نتوى et le Messie dit ça, c'est une chose qui appartient à Allah. Il a utilisé pour ça, pour nous démonstratif, il a dit Dhaq Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il critique une chose, cette chose-là est critiquable. Toute chose qui critique Allah azza wa jalla, c'est critiquable. Toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait l'éloge dessus, c'est une chose qui est honorée. Tu vois, lui, en gros, il veut dire le Messie Dhaq Allah. Il dit ça t'appartient pas à toi. Tu vois, lorsque tu fais l'honneur, lorsque tu fais l'éloge à quelqu'un, khalas. Cette personne est honorée. Hein? Dhaq Allah. Eh, tu dis, pour des gens comme ça là qui disent Cheikh Rabi', comme l'autre il dit, Hissam, je sais plus quoi. Si Cheikh Rabi' dit noir, c'est noir, si il dit blanc, c'est blanc. Tu dis Dhaq Allah. Comment on va dire Saïd ? Ils ont dit, Wallah, Jibril, ma qabiltu. Masha'Allah. Alors on va s'arrêter sur ça. Parce que Jibril, dès qu'il vient, il vient avec. Il vient avec le Hissam, tu vois, il vient d'Allah, Azza wa Jalla. C'est-à-dire que. Là en gros là, quand tu dis ça là, même si Jibril il vient, je le prends pas. C'est un ta'am sur qui? Sur Allah Azza wa Jalla. Parce que c'est qui qu'on voit Jibril? وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. On descend que par l'ordre d'Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire que lorsqu'il vient, il vient par l'ordre d'Allah. Cette personne là, elle réalise pas ce qu'il est en train de faire. Parce que là, il est en train, il a dénigré le messager, mais celui qui aussi qui l'a envoyé. Celui qui l'a envoyé. Ça, c'est en train de le fait qu'il dénigre Allah Azza wa Jalla, c'est chaud. Parce que là, le truc, c'est quoi? Parce que ça, après, il y a le truc aussi, il y en a là, c'est un takfir billazim. Tu vois, parce que ça implique ça. Parce que lui, il a pas dit, je tarne sur Allah, je suis en train de dénigrer Allah. Mais le truc, c'est quoi? Tu vois? Non, c'est un autre truc là, maintenant, là, un takfir billazim. Il dit, takfir billazim, laisse billazim. Maintenant, il y en a, lorsque une personne a dit ça là, en gros, si Jibril vient, bah moi, je prends pas, tu vois. Là, cette parole-là, c'est un coup. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas lui détailler, ouais, tu vas lui dire, là, en gros, Jibril, il vient que par l'ordre d'Allah, Azza wa Jalla, donc tu es en train de dénigrer qui? Mais le truc, c'est quoi? Voilà. Parce que tu lui dis, maintenant, parce que lui, il n'a pas voulu dénigrer Allah, Azza wa Jalla. Mais tu lui dis, là, tu es en train de dénigrer Allah, Azza wa Jalla. Mais Jibril, il faut savoir, parce que c'est, tu vois. Est-ce que ça rentre dans, lorsque tu dénigres un malek min al-malaika, est-ce que ça rentre qu'il y en a comme les prophètes, tu vois? Le fait de dénigrer un prophète, c'est chaud, tu vois. El Malaika, c'est les prophètes. Rusul, tu vois, ça faut demander. Ah, c'est un message, c'est pour ça que c'est la même chose. Et c'est même quelqu'un qui a. Qui n'a pas de péché. Eh, non, mais c'est chaud, c'est une parole. Ces personnes-là qui disent ça sont plus proches de la mécréance que la foi. Donc, Inch'Allah, c'est ça. Le Nizaka, tu peux l'utiliser. À partir du moment où il y a l'âme de l'André, il y a 12. Et ça, c'est utilisé pour quoi? El Martabata, Esh, El Martabatu, El Wustor. C'est-à-dire la distance qui est entre eux. La proximité, une chose qui est loin. Ils disent, Yannis, c'est Zaka, tu utilises pour ça. Après, tu utilises pour lointain, mais c'est rien. Et Naham, Al-Qalib, tu dis pas Zaka. Zaka, non. Et Barak al-Fikum, dans le Coran, c'est pas une Zaka, ça c'est une babel faïda, mais c'est venu dans la Sunna. Comme on a vu dans le hadith, Hamdi Zaynun, wa Zammi Shayn, taqal Zaka Allah. Yannis, Hamdi, il fait que lorsque moi je fais l'éloge de quelqu'un, Zaynun, Yannis, c'est. Naam, c'est un madh pour lui, c'est un compliment pour lui. Wa zammi, lorsque je le reproche, zammi, yani ma reproche, shaynun, yani c'est une chose qui va l'amouchir, si on peut dire ça, tu vois. Yani en gros, ça va le rendre dénigré, rabaissé, là, tu vois. Yani M. Zammi, il a dit quoi? Dhaqallah, la, ala shay'un yakhtassu billah, dhaqallah. Wa nabi, ça, c'est un cas d'alika. Parce que, la yantaku, an il hawa. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله أنت استغفرك وأتوب إليك مع تحية دماج أفاف.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين